Ils vous jurent par Allah pour vous satisfaire. Alors qu'Allah, ainsi que son messager, est plus en droit qu'ils le satisfassent s'ils sont vraiment croyants.